queen. Si tu crois que je suis aveugle, tes préjugés c'est du braille. Même les meubles plus pétés, tu voudrais bien toutes les grailler. Je t'ai laissé du temps, je t'ai laissé des chances. Maintenant bouge loin, je te fais même le plein d'essence. C'est combien ?